Atypique bien. Je brûle tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça, je crève comme ça. Je brûle tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça. Appel SOS gang, je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça, je crève comme ça. Je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça. Appel SOS gang, je vais te retourner tes oreilles jusqu'à l'essorage. J'ai mon oseille, mon arche, j'ai mon essor barre. Je suis pas un petit boursage, la coque en escortage. Je vais chez toi, j'ai mon putain de portage. Je préfère mes pulls ou ma blanche pour ton repoudrage. Bitch, tu prends mon sachet entre tes seins et ton corsage. T'as pas un corsage, te baisse avant de te faire croquer. Clac, mon crack, et ta vie est ton sac. T'es pour pète, tu tiens au cas où y'a la boîte, ma traque d'attaque. Au cas où y'a de l'arnaque, de l'alcool. Au cas où y'a de l'achat, bébé, t'es belle comme la colombienne. Mais si t'as chez tu racks, c'est tira. Tu piques, made in la street. J'me sale drone, ouais, habite-toi à typique. C'est de la bonne, c'est de la pure, c'est total narcotique. J'achète, soit j'me fume un bon, soit j'me fais un flic. Je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça, tu crèves comme ça. Je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça. Appelle SOS gang, je roule tout ça, je prends tout ça, tu pille tout ça, tu crèves comme ça. Je roule tout ça, je prends tout ça, tu pille tout ça. Appelle SOS gang, ganja man dans ma cave, c'est la jamaïcaine. Baisse une jamaïcaine, sera défoncée sur la quête. Sus bitch, tu vas sucer le canon de mon 16. Ma thèse sur les armes pèse. Et dans ton cul, ma chaise à l'aise. Une baraque pour ton beat, passe là à la douane vite. Jusque là où j'habite, j'incite à l'illicite. Je cite, bon malé, je zip. J'en ma sacoche mon shit, j'fais du shit et de la zip. Beat, nique à typique, les feuilles du paradis. Je les vois enrouler, de la plus garantie. Au bandit, au nanti, mon cerveau se remplit. Tant pis, t'as senti, j'suis pas gentil, j'm'en fous de ta vie. T'as vu, j'ai pas de baveux, j'fais pas d'aveu. J'ai juste mon tafeu, pour que t'aies des tafeux. J'fais mon rafeu, et la thune du rafle. J'sors ma capuche, toujours prête à faire feu. Je roule tout ça. Je prends tout ça, je pille tout ça, tu crèves comme ça. Je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça. Appelle SOS gang, je roule tout ça, je prends tout ça, tu pille tout ça, tu crèves comme ça. Je roule tout ça, je prends tout ça, tu pille tout ça. Appelle SOS gang, fume ma merde, je vends de l'air. Je baisse la loi, je baisse ta mère. J'ai pas de tatouage, ta meuf je sers. Concentré de rage et stupéfiant pas cher. Fume ma merde, je vends de l'air. Je baisse la loi, je baisse ta mère. J'ai pas de tatouage, ta meuf je sers. Concentré de rage et stupéfiant pas cher. Fume-moi ça, de New York à Larsa. J'me lasse pas, tu fumes et dans sa poêle sur Kassa. Des kilos de shit bien tassés, mais qui me terrassera. Sur ma terrasse, j'vends sur internet et voilà. Même à ta me voilée et au Caraïba. J'ai une vie étoilée entourée de putes dans ton gars. Tu t'en seras détenté, alors tente ça. On n'est pas détente mais détentale. Vas-y rentre dans le vent. Je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça, tu crèves comme ça. Je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça. Appelle SOS gang, je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça, tu crèves comme ça. Je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça. Appelle SOS gang, je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça, tu crèves comme ça. Je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça. Appelle SOS gang, je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça, je crève comme ça. Je roule tout ça, je prends tout ça, je pille tout ça. Appelle SOS gang.